Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va parler de UFC 226, on va parler avec notre ami Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny. Claude, t'es allé au Mexique, on n'a pas pu se parler pour le UFC 225. 226, coudonc, est-ce qu'il faisait aussi beau au Mexique quand t'es allé que cette semaine avec nous autres au Saguenay? Oui, je niaisais de mes chums, je souhaitais du mauvais temps vu que j'en ai en vacances. Mais oui, non, nous autres, il a fait super beau là-bas, puis il a fait super beau aussi. Je pense que même la dernière journée, heure et demie, moi, il mouillait, puis ici, il n'a pas mouillé. Ça fait qu'il a fait quasiment plus beau au Mexique. OK. Claude, si on parlait un peu de Max Holloway, il est actuellement, tu me disais avant de rentrer en onde, ça ressemble, il avait eu des problèmes d'allocution, il est jeune, évidemment, ça représentait peut-être l'avenir du UFC. As-tu des nouvelles là-dessus? Non, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Écoute, comme on a parlé un petit peu, là, on avait vu des entrevues, le monde avait vu qu'il avait l'air bizarre, quasiment chaudasse un peu, puis un petit peu de difficulté d'élocution. Ils l'ont rushé à l'hôpital, ils ont dit qu'il n'y a rien. Fait que là, il a essayé de faire sa coupe de poids, ça c'était 10 fois pire, donc là, ils l'ont complètement enlevé de là, puis il a repassé des examens encore, puis on n'a pas vraiment eu de nouvelles, mais c'est sûr que ça ressemble vraiment à une conséquence là, d'une commotion ou quelque chose comme ça. Okay. On souhaite que ce soit grave, mais ça regarde mal. Parce que c'est de valeur, parce que Claude, t'es d'accord avec moi qu'on s'en allait vers toute qu'une carte. Là. C'est bonne pareil, là, mais le Max Holloway, qui est probablement l'un des combattants les plus en vue, livre pour livre, donc en n'étant pas là, ça diminue un petit peu la carte, mais elle est quand même assez bonne. Je regarde Daniel Cormier contre Stipe Miocic, Francis Ngannou contre Derek Lewis, donc ça risque de et il y a Anthony Pettis, un combattant que je connais quand même assez bien, qui va se battre aussi, donc ça devrait être intéressant. Ben oui, comme tu l'as dit, on a passé d'une très très bonne carte à une bonne carte, là. C'est quand même une bonne carte, mais écoute, le combat on le reverra plus tard, on souhaite juste que ça soit rien de grave. Pour le reste de la carte, écoute, on a quand même le main event qui reste là. Miocic contre Cormier. Cormier, c'est un gars qui a commencé sa carrière à poids lourd. Puis il a été champion Strikeforce de poids lourd avant d'arriver dans l'UFC. Il a fait un ou deux combats, je crois, dans l'UFC poids lourd. Ils ont tous gagné. Il n'a jamais perdu contre un poids lourd. En fait, Cormier, il n'a jamais perdu tout court à part contre John Jones 2 fois. Puis ensuite, il a fait le reste de sa carrière à 205 dans l'UFC, invaincu aussi officiellement, puisque John Jones a été disqualifié pour à cause des stéroïdes. Donc, ça va faire tout qu'un combat. Miocic, lui, ben, c'est le champion sur papier le plus dominant du UFC parce qu'il est rendu à sa 4e défense de titre, si je me rappelle bien. Okay. Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait dans l'UFC. Fait qu'on a tout qu'un combat. Un gars qui a jamais perdu contre des lourds, un poids lourd aussi qui est très dominant. Puis on va avoir un bon combat. Mais je pense que si Cormier réussit à mener ça au sol, il va gagner. Puis si Miocic réussit à garder ça debout, il devrait gagner. Francis Ngannou contre Derek Lewis. Oui, Ngannou, c'est notre bon compatriote français, un gars fort sympathique. Écoute, ça fait même à peine 4 ans qu'il fait du MMA. Il avait jamais fait ni de boxe, ni du judo, ni rien avant ça. C'est un spécimen physique. Il a perdu son dernier combat contre Miocic, mais c'est pas gênant. Le gars, il avait jamais dépassé le premier round ou le deuxième round, je crois, puis là, il a réussi à faire 5 rounds. Il a appris beaucoup là-dedans, dans cette défaite-là. Je pense qu'il est encore meilleur. Contre Derek Lewis, qui est pas mauvais, mais je pense pas qu'il y a vraiment pas de quoi être champion, à mon avis. Il est trop faible au sol. Il est juste unidimensionnel. Ngannou, il est pas super bon au sol non plus, mais il va s'améliorer, il est jeune. Donc, ça va être un combat explosif qui devrait rester debout en théorie. Là, ça va se tapocher pas mal debout. OK. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Chiesa contre Anthony Pettis. Oui. Bien, là. Ça, c'est un bon petit combat aussi. Pettis, qui est plus aussi dominant qu'il l'était. Chiesa, si vous vous rappelez, il était sur une bonne lancée. Écoute, il est très bon. Puis, en plus, c'est lui qui s'est fait, tu sais, quand Conor McGregor a fait l'innocent à Vegas, qui a tiré des nouvelles, dans l'autobus, puis il a cassé une vitre. Puis, bon, ben, Chiesa, lui, c'était une des personnes qui l'a reçu sur le bord d'un œil et qui n'a pas pu se battre à cause de ça. OK. Ouais, là, c'est son retour, lui, depuis cet incident-là. Puis c'est un très bon combattant, autant debout qu'au sol. OK. Donc. Puis, il y en a deux, trois autres déjà plus connus. Là, Perry Goldfelder, un de mes préférés. Puis il y a Gauguin Saki, un gars qui arrive du camp 1, un gars qui arrive du debout, qui est très, très, très spectaculaire. Il est un MMA. C'est sûr que c'est pas spécialiste du MMA, mais par contre, debout, là, il y a quand même quelque chose à voir. Fait que, ça va nous donner une très bonne carte principale. OK. Maintenant, si on parlait du côté Johnny Hendricks qui a annoncé sa retraite. Johnny Hendricks, après l'histoire qu'on est allé avec les stéroïdes, on a renforcé les stéroïdes. Hendricks, il était beaucoup moins intéressant. Il avait quand même donné de la fausse à Georges St-Pierre avant son dernier combat. Son dernier combat avant sa pause. Est-ce que l'histoire va dire quoi de Johnny Hendricks? Bon, je pense que tout le monde le sait que le gars, il était craqué, là. Il était craqué à l'os, là. C'est évident. C'est un gars qui était très gros de part, fait qu'il prenait toutes sortes de trucs pour être capable de faire le poids. Donc, c'est un gars qui prenait beaucoup de médicaments. Ouais, ouais. Autant pour faire la coupe de poids, autant pour avoir la masse musculaire. Tu sais, il y a le gars, il était à côté sur le gauche, là. Puis là, ben, lui, c'est un de ceux. Il y en a d'autres aussi. Il y a Kane Velasquez, à mon avis. Il y en a une couple, là, qu'eux autres, on en reverra plus ben. Ils reviendront. Overeem a rapetissé pas mal aussi. Tu sais, c'est tous des gars qui se fiaient beaucoup là-dessus, probablement. On ne saura jamais vraiment, mais parce que Hendricks en a un bel exemple. Là, lui, à partir du moment que. Puis Georges en était appelé, il n'a jamais dit son nom officiellement, mais on savait que c'est lui qui parlait. Entre autres. Ouais. Fait que, non, il a une belle carrière quand même. C'est un très bon mot. J'enlève pas du mérite, là, mais le gars. Là, on a passé à autre chose, puis lui, il n'a pas été capable de faire la coupure. OK. Parlons de. Hey, écoute, avant de parler de Valérie Letourneau, je veux te parler de Valérie Letourneau parce qu'elle va bien au boss. Elle a gagné. Oui, elle va bien chez Bellator. Tu penses que tu as une victoire du titre? Tu es allé sur les médias sociaux, tu as Anthony Pettis qui a pris sa retraite et Pettis est déjà rendu au temple de la renommée. Comment ça marche, le temple de la renommée du UFC? On sait que le UFC, ça a commencé en 93, donc c'est pas. C'est tout nouveau. Est-ce que c'est fait par les journalistes? Non, écoute, c'est pas Anthony Pettis, c'est Matt Serra. Ah, Matt Serra, oui, excuse-moi. Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai rien contre Matt Serra, il est fort sympathique. C'est vrai que c'est un pionnier. Il y en a une couple qui essaie de me donner des arguments, mais je vois pas comment est-ce qu'un gars. Matt Serra qui a jamais été dominant. Ça fait longtemps qu'il est là, oui, c'était un des premiers. Il a battu Georges, on le sait, là, mais il s'est refait battre tout de suite après. Puis je suis pas sûr qu'il a regagné une autre victoire dans l'UFC après. Donc c'est un bon combattant, un bon top entre 10 et 15. Là. Comme pas de côté, je veux dire rien d'extraordinaire. Là, pas de côté, il sera pas introduit au temple de la renommée. Là. Je sais pas. Écoute. Moi je trouve que c'est pas. Je trouve qu'il n'y en a pas assez fait, mais là, c'est mes critères à moi. Là. Les critères du UFC, ben, c'est comme le reste, c'est l'UFC qui décide d'un bout à l'autre. C'est pas les journalistes, il n'y a pas, parce que le UFC est quand même couvert par les journalistes, là. C'est pas les journalistes qui oui. Ouais. Ben, écoute, là, Danny, je veux pas te compter de mentir, je veux pas t'affirmer qu'il n'y a aucun journaliste qui prend la décision là-dedans, mais c'est pas comme le baseball, là. Ouais. Là, puis t'as okay, là. OK. Présentement, c'est la compagnie qui tient le gros bout du ballon. Je sais pas s'ils vont changer ça. Ben, il faudrait. Je vais quand même me renseigner un peu, voir des fois que je te compterai des mentir, mais. C'est pas mal d'Anna qui décide là, ce qui se passe à ce niveau-là. Puis bon, c'est sûr que Serra, c'est le chum à Dana White, là, mais quand même. Sais-tu... Si Matt Serra est introduit, il va en avoir une maudite gang d'introduit, là. Sais-tu le temple de la renommée du UFC ou le temple de la renommée des arts martiaux mix? Tu sais ce que je veux dire, la nuance? Tu sais, il y a une nuance, là. Oui, tu fais bien de le dire, parce que l'UFC, c'est une ligue avant tout. C'est la meilleure ligue, là, oui. Mais quand même, là, c'est pas c'est décidé par le UFC pour le UFC. OK. Donc le meilleur de Bellator, de l'histoire du Bellator pourrait pas être là-dedans. Je croirais pas, donc présentement, là, non, sûrement pas, mais. OK. Bon, puisqu'on parle de Bellator, Valérie Letourneau qui a remporté une victoire la semaine passée. Dans le cas de Valérie, elle a une victoire du titre en Bellator. Finalement, est-ce que elle s'est améliorée? Est-ce que le style de Bellator est meilleur ou c'est tout simplement parce que le Bellator, c'est pire que l'UFC? Ou tous ses réponses? Ben, je crois que c'est parce que le UFC avait pas sa catégorie de poids, puis là, Bellator l'avait, eux autres. Là, il y a eu des changements, mais c'était surtout ça le problème. Valérie, je pense, pour faire 115 livres, là, elle souffrait énormément. Ouais. C'était trop petit pour elle. Puis, elle est 135, c'était gros un peu. Puis, écoute, là, est-ce que le niveau est moins élevé chez Bellator? En général, oui, autant chez les gars que chez les femmes. Ouais. Mais encore, là, je veux dire, le bassin n'est pas encore énorme. Hein. Peut-être, je pense que les 4-5 meilleurs du UFC sont sont meilleurs que les 4-5 meilleurs du Bellator, mais pour le reste, là, ça se ressemble pas mal. OK, OK. Donc, c'est juste, parce que le Bellator, c'est quand même pas une ligue de on n'en voit pas en français, on voit rien que le UFC, mais c'est pas une ligue de broche à foin non plus, là. Ah non, non, Bellator, c'est la deuxième plus grosse ligue, là. Puis Scott Coker, il dit souvent, ils ont l'UFC dans le mire. Puis en plus, Bellator, là, la compagnie qui est en arrière de ça, c'est Viacom. Là. Ben ouais. Ils pourraient acheter l'UFC, ils pourraient les acheter 4 fois si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Donc, le problème, il est pas là, là. Ils sont backés par une très, très, très grosse compagnie. Donc, non, c'est de bonne guerre. Puis ils s'assument pas entre eux autres, ils chicanent pas, ils s'envoient pas promener. Ils font leurs affaires à leur manière. Puis c'est le fun pour les combattants, ça donne une alternative. Ouais, effectivement. Claude, on s'en parle pour le UFC 227. Ouais. OK, d'autres spécialistes des arts martiaux mixtes, Claude Perron.